mais quel bordel! Je suis coincé en plein festival de Cannes, et qu'est-ce qui me tombe sur les bras? Le retour de l'imam de Vénitieux. Le polygame lapideur de femmes fidèles. Le tir et l'affront des loutres un peu trop chaudes de la fourrure. Du coup, je l'ai fait venir. Heureusement, il y avait une fête de prévu pour le distraire. Une soirée organisée sur le bateau par une société de films de production de cul. Bonne idée pour un polygame, je me dis. On est arrivé sur le yacht, et là... Ouh. Ah bah ça, si c'est pas de la musique de surf. Oh la vache, j'ai jamais vu autant de morues sur un bateau. T'as vu ça, l'imam? Je me suis pas foutu de ta gueule. Ah si sûr, mon ami, y a de quoi faire. Je vais te lapider tout ça, c'est ma pote l'aîné. Mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas lapider les plus belles pouliches du hard, quand même. Je vais pas me gêner. Il est où, mon lave-pied? Mais c'est pas des infidèles, bordel. Elles sont même pas mariées, les grognasses. Rien à foutre, je lapide quand même. Arrête, putain. Allez, tiens, avant de jouer à tirer la fronde, tu vas me boire ça. Si, pas de l'alcool, j'espère. Mais non, c'est un fortifiant. Comment ça s'appelle? Le schnapps. Allez, goûte-moi ça. Mais c'est délicieux. Bah allez, range-moi ton lance-pierre, on va aller faire un petit tour. Oh là là là là, quel enfer! Il arrêtait pas de me suivre, le lapideur. Toutes les 5 minutes, il me redemandait mon fortifiant qui est heureux. Et puis, alors que j'étais en train de discuter finesse de l'angle de prise de vue avec deux jeunes suédoises spécialistes de... le mort convivial, en clair la partouze, j'entends... Oh, putain, c'est pas vrai! Ils ont même invité Isabelle Alonso. Oh. C'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué que mon imam avait disparu. Du coup, je me suis précipité de là où venait le cri. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel, l'imam? Range-moi ce lance-pierre! Je t'y jure, j'ai rien fait, c'est pour me défendre, les lance-pierres. Elles sont toutes devenues folles. Je leur ai dit d'aller se rhabiller et de faire le ménage. Bon, bon, bon, on se calme, on se calme. Oh, ta gueule, Isabelle! Il disait ça pour rire, c'est un plaisantin, le barbu. Non, je suis très sérieux. S'il dit morue, je vais te les écailler à coups de lance-pierre. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la radasse? Ah, c'est celle de la pute soumise, putain. Couchez, couchez, j'ai dit. Il manquait plus qu'elle. Qu'est-ce qu'elle veut, Emmanuel Béard? Il m'excite, le barbu, avec son lance-pierre. Mais c'est pas... Y a pas de mais. Vas-y, vieux barbu. J'ai envie de ta chance ce soir. Prends ton lance-pierre et lapide-moi la vertu de mon fennec d'amour. Malheureusement, ça a foutu les jetons, l'imam. Il a plongé du bateau et s'est sauvé. Du coup, tu me connais, Christophe? Hein? C'est moi qui m'y suis collé. Enfin, quand je dis collé... Je me comprends. Bon, je vous laisse, hein. J'ai les demi-finales du tournoi de fist-fucking du Vatican qui commence ce soir. Allez, au revoir, c'est...